Je suis pas taillé à pan coupé, mécaniquement effilé par les années. J'ai la gorge marinée, dans le jurant sonné, cuit par le gros sel et le soleil des Pyrénées. Je baigne dans le gras, son boy qui l'a. Le swing a c'est l'éclat, grâce à blast pour moi. Sound down down down, expose le gramophone, huile et les platines, j'lag stun. Et je baigne dans le gras, son boy qui l'a. Le swing a c'est l'éclat, grâce à blast pour moi. Sound down down down, expose le gramophone, huile et les platines, jusqu'à Kingston. Et j'aime marrer et taquiner l'entrecôte, pas quand ça ragote. Mais quand l'histoire se tricote et quand j'en spleure la biscotte, moi je cours après ma carotte pour dire adieu à cette camelote. Crevé dans la confiote, barbac à grand-père, premier sur les couverts. Un bouton par terre, je suis plus rapide que l'éclair. Un rôti du l'hiver, je n'en ferai qu'un dessert avec la paille dans la sauce et la tête à l'envers. Je baigne dans le gras, sans boy qui l'a. Le swing à c'est l'éclat, grâce à la basse pour moi. Ça sonne down, down, down. Le spas de gramophone, huile et les platines jusqu'à Kingston. Et je baigne dans le gras, sans boy qui l'a. Le swing à c'est l'éclat, grâce à la basse pour moi. Ça sonne down. Je m'en lèche les babines car ma tête est un chaudron et j'ai la mine dans la terrine. Je m'en bats la ventrèche d'avoir tant de brioche. C'est pas mon ventre à l'escabèche qui me sortira la bidoche. Tantôt la fourrure qui patoche dans la garbure. Tout de rue et pas mûr, moi je suis roulé dans la friture. Chargé comme un cochon, farci comme un poivron. Mon salon avait raison, j'ai gonflé comme un ballon. Je baigne dans le gras, sound boy qui l'a. Les swing à c'est l'éclat, grâce à basse pour moi. C'est sound down down down. Les toits de gramophone, huile et les platines jusqu'à Kingston. Je baigne dans le gras, sound boy qui l'a. Mes babines, je kick quand je m'abîme. Des clics quand je me dandine. Kiss d'adrénaline, je signe de ma sourdine. Mes places et mes combines. Oh oh. Et je baigne dans le gras. Oh oh. Sound boy qui l'a. Oh oh. Les swingers c'est l'éclat. Oh oh. Une graisse la basse pour moi. Oh oh. Et je baigne dans le gras. Oh oh. De la crème, de la fraîche, de la base.